Les expositions de Kim Il-sung et de Kim Jong-il consacrées au 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et au 5e anniversaire de la promotion du respecté maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée se sont déroulées à la ville de Sibiritsebo du territoire maritime de Russie et dans les villes de Jilin, de Dalian et de Shenyang de Chine. Y ont été exposées les fleurs d'honneur épanouies en signe du respect invariable envers le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Les cérémonies d'ouverture ont eu lieu en présence des personnalités de divers milieux et des habitants des pays hôtes, ainsi que les diplomates coréens et les officiers coréens en mission dans ces pays.